s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission entre jeunes de différentes convictions. Aujourd'hui, on a décidé de parler des médias et du rapport aux médias dans la vie de tous les jours. Donc cette fois-ci, on est avec... Brittany, salut à tous. On est avec... Queen, salut. Et ainsi que... Éléonore, salut. Je suis Maxime, votre animateur, bienvenue dans Coexprime. Donc on va commencer, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire, déjà me définir ce qu'est un média ? Voilà, définition, j'en sais rien. Moi, c'est que, quand je pense médias, je pense à tout ce qui est les journaux, la télé, les réseaux sociaux, tout. Enfin, en gros, tous les moyens pour s'informer, quoi, et pour communiquer entre tout le monde. Mais pour compléter ce que dit Eleonore, c'est un moyen de diffuser des informations, en fait. Donc, ouais, la télé, Internet et tout ça. Okay, et les podcasts bien. Aussi. Oui, aussi. du coup, quels sont les médias que vous utilisez ? Le plus ? Ouais. Moi, je dirais tout ce qui est réseaux sociaux avec Twitter, parce que je sais que sur Twitter, il y a beaucoup d'informations qui sont directes comme ça. Sinon, YouTube aussi, c'est pas mal. Et toi, Brittany ? Avant, j'utilisais beaucoup la télé, mais je la regarde plus maintenant. Plutôt, ouais, Internet avec les réseaux sociaux, tout ça. Ok. Ouais, moi, c'est plutôt les réseaux sociaux et tout. La télé, pareil, je regarde plus. Et sinon, après, c'est aussi... les journaux, des fois, je regarde France Inter, des trucs comme ça, mais pas tout le temps. Ça dépend des moments. Et pourquoi est-ce que vous préférez, du coup, les réseaux sociaux à la télé, par exemple ? Je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus divers et que, du coup, les personnes qui présentent ça, les contenus sont beaucoup plus... pas à notre niveau, mais ils s'adaptent à à ce que la population a besoin. Comme par exemple, je prends l'exemple du présentateur de, je crois qu'il présente une question pour un champion. Julien Lepers. Non, l'autre du coup. Aucune idée. Du coup, c'est pas grave. Mais du coup, il est sur France. France Info le matin, il fait aussi l'émission de l'après-midi et en plus il est sur Twitch. Et du coup, en fait, lui il a dit tu vois, c'est qui ? Comment il s'appelle Étienne. Ouais, oui, c'est ça. Et du coup, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, c'est super enrichissant et intéressant de justement de fournir ces contenus-là pour les jeunes, mais pas que, parce que du coup, c'est vrai que nous, je pense que les jeunes, on a tendance à moins regarder la télé et donc à moins s'informer. Mais or, justement, avec les réseaux sociaux, on est plus là à regarder tout ce qui n'est pas intéressant. Et donc, je pense qu'avec l'arrivée de beaucoup de personnes qui sont journalistes, ou je pense aussi à Hugo Décrypte, qui fait beaucoup de vidéos sur la société, sur l'actualité, qui est super intéressant pour le coup. Très bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie de tous les jours, les médias ? Alors, en premier lieu, de la distraction, genre par exemple les réseaux sociaux, tout ça. Après... c'est un moyen de s'instruire plus facilement que... Enfin, c'est mieux que... Perso, je préfère regarder la télé plutôt que de lire un journal. Après, ça, c'est chacun ses goûts, mais je trouve que... Ouais, voilà. je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est clair que ça fait passer le temps et tout, c'est de la distraction. Et puis après, il y a aussi tout le truc de pas être déconnecté du monde dans lequel on vit, parce que, toutes les infos passent par là. Et si t'arrives, ne serait-ce qu'avec la pandémie, si t'étais pas sûr, si tu regardais pas la télé, les discours de Macron et tout, comment tu savais que tu devais rester chez toi ? Enfin, t'as tout qui passe par là, donc t'es obligé de t'informer pour pas être un peu un extraterrestre dans la rue. Mais sinon, il y a les haut-parleurs, tu vois. Les haut-parleurs dans la rue ? Quoi ? Si on n'avait pas la télévision, genre les informations passeront par les haut-parleurs, comme avant, tu vois. Oui, non, mais là, tout le monde écoute les infos. Donc, si toi, tu regardes pas, c'est toi l'intrus un peu. Ouais. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est indispensable de nos jours, les médias ? Indispensable, c'est peut-être un mot un peu fort. C'est important, oui. Indispensable, pas vraiment, mais c'est important pour, comme disait Eleonore, pour suivre ce qui se passe dans la société, puis dans la vie en général, quoi. Mais indispensable, je trouve que c'est un petit peu fort comme adjectif. Ouais, je pense que tu peux très bien choisir de t'isoler et de plus regarder les infos et de vivre dans ta bulle. Genre, je pense qu'il y en a qui le font et ça leur pose pas trop de problèmes si c'est un choix. Après, je pense au niveau de toute la société, on repose énormément sur les médias, tout ce qui est le, enfin tout le pouvoir, le gouvernement, ça passe par le par les médias, toutes les images, enfin il y a tellement de choses qui passent par par les médias que pour moi, si demain tu devais interdire le métier de journaliste ou quoi, il y aurait un vrai problème dans la société pour communiquer les infos, je pense. Une petite question que je rajoute en plus, mais qu'est-ce que vous pensez du métier de journaliste, justement ? C'est compliqué. C'est compliqué. Travail. Je pense qu'ils doivent être super passionnés par ce qu'ils font, parce que en fait, il faut être tout le temps être prêt pour aller sur le terrain, de capter les informations, d'être vraiment à la page. Et par exemple, si je prends l'exemple, je sais pas moi, d'un facteur, enfin, il n'a pas besoin de faire tout le temps des recherches sur qu'est-ce qui attire le plus de personnes, qu'est-ce qui fait le plus parler, enfin, c'est quels sont les sujets qui sont les plus intéressants. Je pense que c'est super compliqué comme travail. Après, personnellement, je pense que à cause de toute la concurrence, etc., qu'il y a dans ce milieu, ça devient quand même un métier un peu de vicieux où faut vraiment apporter le plus sensationnel, quitte à ce que ça soit pas forcément vrai, juste pour apporter du clic et de l'audience aux journaux. Ouais, bah je pense que il doit y avoir un peu de ça dans, enfin moi ce à quoi je pense, c'est un peu toutes les grandes chaînes pour le coup de télé, genre Touche pas à mon poste, BFM TV, etc., où tu, en fait, enfin d'après ce que j'ai compris, après je me trompe peut-être parce que je suis pas sur place et tout, mais en gros, bah, en fonction de l'audience qu'un sujet va amener, il faut plus ou moins parler de ça. Et du coup, je me dis, les journalistes, ils doivent être plus ou moins obligés de parler de certains trucs d'une certaine manière pour faire plaisir à leur patron, pour ramener l'audience. Et je pense que bah, ça doit être vraiment une limite au métier de journaliste, quoi. Après, si on prend l'exemple de TPMP, ça reste vraiment un exemple de journalisme un peu vicieux où... ils prennent le premier sujet qui buzz. Par exemple, on prend le dernier truc dont je me souviens, l'affaire avec Benjamin Ledig, là. Ils ont vu que ça buzzait, ils ont invité ses détracteurs, etc. Ouais. Et pour juste faire de l'audience, quoi. Donc ça rapporte pas vraiment quelque chose de constructif, parce qu'en soi, cette histoire, bah, c'est juste un petit con qui veut faire parler de lui, qui veut faire du buzz. Et ça rapporte rien d'exceptionnel à la vie des gens, tu vois, ça reste du drama, des trucs. Bah après, je pense que TPMP, le but, c'est, oui, de faire de l'audience, de faire du buzz et tout, et puis d'être une... Enfin, pour moi, c'est une forme de journaliste qui est un peu différente, parce que... Du divertissement. C'est, ouais, c'est, voilà, c'est du débat spectacle, un peu, donc c'est... Enfin, ouais, c'est pour amener un sujet de discussion, un truc qui fait polémique, et puis viens, on en parle, c'est le principe de la rémission, quoi. Ouais, ah. Mais je pense que ça se retrouve aussi sur un peu tous les articles qu'il y a en ligne, par exemple, où faut forcément qu'il y ait un titre vraiment racoleur, etc., pour que ça rapporte du clic et de la visibilité à l'article, alors que au final, l'information peut se condenser en un tweet, alors ouais. Qu'ils font un article de 5 pages pour dire oui. C'est un peu débile, quoi. Et du coup, juste une question. Les personnes qui sont sur YouTube, les youtubeurs, est-ce que vous les considérez comme des journalistes ou pas ? Bah, ça dépend lesquels, mais il y a des youtubeurs qui sont vachement forts pour donner de la, enfin, pour divulguer de l'information, l'expliquer et tout. Et personnellement, il y en a quelques-uns que oui, je considère comme des journalistes. Mais après, ça dépend du style de vidéo qu'ils font. Genre, Amixem, on va pas dire que c'est un journaliste. Non, là, mais par exemple, si on prend... Je prends l'exemple de Hugo Desfilms, ouais, du si coup. Prend son exemple à lui, ça se rapproche vraiment plus du journalisme, quoi. Il y a aussi Dr. Nozman. Ouais. Qui fait totalement. Des trucs vraiment instructifs. Ouais, ce serait peut-être plus de la... Comment dire ça ? De l'information. La vulgarisation de l'information, ouais. Que du journalisme, ouais, tu ouais, vois. Ça. Parce que journalisme, je pense que c'est plus un truc que tu rapportes l'information qui est actuelle pour tenir au courant les gens. Ouais. Après, ce que Hugo Décrypte fait, c'est qu'en fait, il fait non seulement tout ce qui est actualité, mais il fait aussi, il interview beaucoup de personnes qui sont inspirantes. Mmh. Là, je vois que sa dernière vidéo, il a invité Bill Gates. Donc, ouais, de ouf. Putain. Il a fait des reportages en Afrique, des choses. Non, pas en Afrique, en Amérique latine, sur tout ce qui est l'Amazonie, je crois aussi. Ouais, il fait plein de sujets divers et puis il s'intéresse beaucoup à l'actualité. Il fait aussi des TikTok où il résume en une minute les actualités de la journée pour un peu tenir au courant les gens, etc. Question suivante, est-ce que vous pensez que les médias, ils peuvent être dangereux ? Totalement. De ouf. Et comment, du coup ? Bah, via les fake news. Ouais. Ils peuvent dire vraiment tout et n'importe quoi, et il peut y avoir beaucoup de gens crédules qui peuvent y croire, et ça peut faire beaucoup de tort à certaines personnes qui y croient vraiment quoi, à ces fake news. Oui, 100%. Enfin, les médias, ils ont une influence énorme sur la popularité, sur toute l'opinion publique, en fait. Et une opinion publique, enfin, si on voit par exemple l'élection de Trump, bon, ça date un petit peu maintenant, mais les médias ont joué, enfin, les médias et les réseaux sociaux ont joué un rôle énorme là-dedans. Et bah, ça change quand même, du coup, totalement la donne. Enfin, ils ont vraiment tout le pouvoir. Donc, à partir du moment où ils choisissent d'axer un sujet plus qu'un autre, ou d'aborder quelque chose d'une certaine manière, c'est ça qui va quand même. Enfin, ça va forcément peser dans la balance, en tout cas sur la société. On peut prendre aussi l'exemple de Emmanuel Macron ces derniers temps, qui a eu quand même beaucoup de temps de parole des autres candidats dans tous les médias, etc. Et on voit bien qu'il y a peut-être une certaine prise de parti des médias envers un ou plusieurs candidats, quoi. Bah totalement. Il y a des petits candidats qui n'ont absolument pas eu le même temps de parole que les autres. Et enfin, pareil, Zemmour, il a été invité sur plein de plateaux télé parce que bah, c'était un sujet, enfin, c'était quelqu'un qui faisait monter les audiences, etc. Donc, c'est. Ouais. On peut prendre l'exemple de Jean Lassalle, par exemple, qui a eu très peu de temps de parole par rapport aux autres candidats, mais qui pourtant est un candidat. C'est un candidat à l'élection présidentielle comme les autres, donc oui, il devrait avoir autant de temps de parole, quoi. Oui, c'est comme le fait qu'ils aient pas fait de débat avec tous les candidats. Alors après, ça, je crois que c'est parce que certains ont refusé, dont Macron, il me semble. Oui, mais je comprends pas le principe de refuser. Oui, oui, clairement. Le principe, quand même, c'est de débattre, d'exposer ses idées à tout le monde. Justement, etc. C'était sa stratégie de ne pas faire. Et le premier débat est seulement de faire après. Parce que je crois qu'à ce moment-là, il y avait encore la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il était plus dans une position où je suis président, donc je m'occupe plus de ce qui se passe et pas des élections. C'était plus pour se donner une image d'un président qui protecteur. Oui, c'était sa stratégie de toute façon. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de dire est-ce que c'est juste et est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire d'instaurer une équité là-dessus tout simplement pour que ce soit juste, en fait. Mais mais il y a plein de trucs comme ça. C'est pareil, il y a un débat qui revient tout le temps dans les médias, c'est le port du voile, par exemple. Tout le temps, c'est un sujet qui va revenir. Tous les étés, on sait qu'on va avoir le droit sur le burkini, droit ou pas, etc. Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui reviennent et du coup qui posent des questions qui peut-être sont pas les plus importantes du monde. Après, ça, c'est mon avis, mais j'ai pas l'impression qu'on parle énormément d'écologie, par exemple. On en parle moins que pour moi, ça serait important, à mes yeux. Mais là, du coup, pour faire le parallèle avec ça, je fais le lien avec le Covid, ou la Covid, pendant 2 ans, où, en fait, à chaque fois, c'était super toxique d'allumer sa télé, parce qu'on sait que sur presque toutes les chaînes, on va retrouver des intervenants qui vont parler du Covid, alors que, ok, je comprends que c'est un problème, que c'est une pandémie, que ça touche tout le monde, mais à un moment donné, faut passer à autre chose, parce que, ça devient toxique et ça devient néfaste pour la santé mentale des populations, alors qu'on sait que, à cette période-là, il n'y avait pas que la Covid qui touchait, qui était à désavantage pour la santé des individus, mais il y avait aussi plein d'autres problèmes. Et puis même pour revenir sur ça, il y a quand même d'autres maladies qui sont aussi graves, qui se propagent autant, voire même plus, et qu'on parle pas, quoi. Ouais. Et puis je trouve qu'il y a aussi un énorme biais dans les médias, c'est que tout le temps on va parler de ce qui va pas. Et tu vas jamais avoir une chronique sur... aujourd'hui, il y a plein de bonnes nouvelles, alors que je suis sûre qu'il y en a. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de choses qui se passent, qui sont positives, et on n'en parle pas du tout. Et je trouve ça hyper dommage, en fait, parce que... Après, je pense que le sensationnel, le fait que ce soit dramatique, etc., ça fait quand même plus cliquer que... Ça attire plus de monde. Mais sauf qu'aujourd'hui, vu qu'on a plein de trucs négatifs qu'on a l'habitude, je suis sûre que si tu fais passer une petite bonne nouvelle de temps en temps... les gens, ils seront contents de la recevoir et que ça ferait du bien, en vrai. Ouais, c'est possible. Si vous aviez un seul média que vous pourriez garder, lequel ce serait? Ma perso, moi, c'est France Inter, France Info, pardon, parce que c'est celui que j'ai trouvé qui reste relativement neutre, mais qui pense un peu comme moi. Du coup, c'est celui que je garderai. Okay. Moi, ce serait plus Internet en général, parce que sur Internet, du coup, tout. sur Internet, tu peux tout faire, donc Internet, parce que vraiment, même sur Internet, tu peux regarder la télé, donc. Donc ouais, Internet serait un choix stratégique. Moi, je prends YouTube. Pourquoi YouTube ? Bah justement, pareil, tu peux trouver pas que des vidéos qui parlent des actualités, mais aussi des vidéos qui pour t'informer, pour apprendre. C'est super varié et divertissant. Très bien. Et est-ce que vous pensez que les médias, ils évoluent dans le bon sens ? Alors du coup, moi, j'ai plus tendance à dire que oui. Enfin, j'aimerais dire que oui, parce que du coup, là, je prends des exemples des youtubeurs qui font justement de la vulgarisation sur tout ce qui est, comme par exemple, la science. Là, je prends l'exemple de Poisson Féconde. Je prends l'exemple de... Comment il s'appelle encore ? Celui qui fait les top 7. Doc7, ouais. Enfin, il y a plein de youtubeurs qui sont justement juste des personnes lambda qui ont fait des études comme nous et pourtant ils te fournissent des vidéos de qualité et je trouve que c'est super enrichissant parce que tu vas pas retrouver ça à l'école. Bah, peut-être que tu vas retrouver une partie mais pas autant. Ouais, c'est vrai que avec le nombre de youtubeurs différents, de personnes qui sont sur les médias différents, etc. Ça peut permettre de voir une pluralité d'opinions. Par exemple, tu passes de la droite avec Raptor Dissident, etc., à l'extrême gauche avec Usul, en passant par tout un panel d'avis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir les avis de chacun et pouvoir s'informer de tous les côtés, savoir ce que pense et puis s'enrichir un peu à toutes les sources. Mais. Ça concerne vraiment que les médias, je pense, sur Internet. Si après on parle plus des médias type télévision, etc., je pense que c'est plus. Ça devient plus vraiment. Faut faire du sensationnel, faut que les gens y restent à l'audience, etc., et pas forcément vérifier les informations, etc. Si on prend l'exemple, par exemple, il y a quelques années, où ils ont cru qu'ils avaient retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais. Ils en ont parlé sur absolument toutes les chaînes, etc., alors qu'au final, c'était pas lui. Mais parce que ça a intéressé tout le monde. Ils ont s'emparer du truc super vite, etc., avant qu'il y ait des informations concrètes, et au final, Mais il y a ça aussi, c'est la rapidité des informations, c'est la chasse au premier qui a l'information. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ils n'ont pas forcément le temps de checker qu'est-ce qui est... vrai ou pas. Oui, mais le problème, c'est que c'est leur métier de checker si c'est vrai pour relayer l'information. Mais leur métier, c'est aussi d'être le premier à publier l'info intéressante, tu vois. De faire le buzz. Ouais, mais il faut quand même pas passer... Enfin, faut quand même fournir un travail de qualité, quitte à mettre un peu plus de temps, mais au moins dire des trucs vrais, parce que si c'est pour sortir des conneries, c'est complètement inutile. Après, chacun choisit sa priorité. Hein. Oui, c'est sûr. Bah, en fait, le problème, en plus, c'est que quand tu balances une info fausse... tu peux très bien la nier après, mais pour autant, les gens vont quand même retenir l'info fausse ouais, et c'est super compliqué de la nier après. Oui, c'est ça. Une fois que les gens ils se sont fait une idée d'un truc qu'ils pensent, ils ont du mal à changer. On va faire une petite pause musicale avec Bam Bam de Ed Sheeran et Camila Cabello. À tout à l'heure dans Co-Exprime. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love in, I see it. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b dans Quick Exprime sur le thème des médias. Pour cette deuxième partie, on va se recentrer un peu, on va parler un peu plus des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux en général? Alors moi, j'adore les réseaux sociaux. je suis une grosse accro. Alors je pourrais pas trop dire d'avis négatif dessus parce que j'adore. Mais pourquoi t'aimes ça? Parce que. je sais pas, moi, quand je m'ennuie, je vais sur TikTok, quand je dois parler à mes potes ou quoi, je vais sur Snap, quand je dois poster des photos, je vais sur Insta, enfin, je veux dire, c'est... je voyage, mais entre les applis, quoi. Ok. un truc négatif, ce serait que les jeunes y ont trop accès, enfin, trop facilement accès, je veux dire, il y a de plus en plus de petits, je vais dire, genre d'une tranche d'âge entre 8 et 13 ans, par exemple, qui ont accès au réseau et... Mais alors, Brittany, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? J'ai peut-être la taille, mais pas l'âge. Je sens un sacré culot de dire ça. C'est vrai! Elle fait exactement la même taille, franchement. Bref. Du coup, toi, Queen, qu'est-ce que t'en penses des réseaux sociaux? Du coup, j'adore, mais j'aime pas aussi. En fait, c'est kiff-kiff parce que du coup, j'aime parce que grâce aux réseaux sociaux, t'es connecté avec tes amis, avec ta famille, tu sais que qu'est-ce qu'ils font, tu vois leurs photos, tu vois qu'ils ont une vie parfaite, mais justement. Quand tu vois qu'ils ont une vie parfaite, mais t'es là, tu te dis « Ah, oh, mais non, mais moi, j'ai pas ça !» Ouais, ça reste quand même du paraître. Voilà, c'est ça, c'est très superficiel. Là, comme exemple, je prends l'exemple des influenceurs qui postent tout le temps des vidéos, des photos de leur vie, de leurs vacances. Tu te dis « Mais attends, enfin, dans une vie, moi, j'ai le même âge que ces personnes et je suis là chez moi à manger un kebab alors qu'elles sont à Dubaï, je sais pas où, à profiter de leur vie. Donc là, t'es aussi en bad quand tu regardes les stories des gens, mais justement, en fait, faut pas faire ça parce que c'est pas la vie réelle. Tout le monde n'est pas riche et tout le monde ne Après, trouve pas... Après, t'as plein aussi de comptes qui sont là en mode pour te montrer, oui, c'est ça la vraie vie et venez, on s'assume comme on est Ouais, avec le body positive, les trucs comme ça. Après, il n'y a pas que des comptes où ils montrent leur vie. Il y a des comptes aussi où ils partagent leur humour, etc. Ouais. Quand on pense à certaines chaînes TikTok, etc. On ne sait rien de leur vie, etc. Mais ils partagent leur humour, etc. Ça reste une pente différente que de voir... des nanas à Dubaï. Je vois ce que vous voulez dire, mais admettons, là, je me mets... je vois le côté positif, parce que du coup, sur les réseaux sociaux, il y a plus de comptes qui se développent, comme par exemple, je prends l'exemple de Balance ton bar, des comptes qui parlent aussi de la sexualité des femmes, de la sexualité des hommes, que c'est beaucoup plus ouvert, qu'il y a moins de sujets tabous. Oui. Mais par contre, là, je me mets à la place des adolescents qui découvrent justement les réseaux sociaux, qui savent pas et qui sont pas du tout intéressés par l'actualité, qui est juste intéressé par le paraître. Je trouve que c'est super compliqué pour ces jeunes de faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai, en fait, et qu'est-ce qui est faux. Mais après, de toute façon, ça, c'est une question d'éducation et puis ça reste qu'au fur et à mesure de leur vie, ils se rendront bien compte que c'est que du paraître et que... Mm-hmm. C'est juste des gens qui montent leur thune, etc. Mais pour revenir sur le sujet de la sexualité, il y a quand même certains comptes qui restent assez professionnels dans le sens où ils essaient de donner des conseils sur leur vécu, etc. Des conseils qui restent assez vrais quand même, même s'il y en a certains qui restent... Enfin, faut savoir faire la différence. Ouais. En vrai, savoir trouver les bons... C'est les ça, bons le truc, si c'est peux, que... Si je peux Vas-y, pardon. En conseillant un compte Instagram qui s'appelle cabinet-du-bas sexopédia, qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Et ça reste assez correct comme compte et qui diffuse du contenu qui reste assez bon, je trouve. Ok. Mais moi, j'ai plusieurs comptes sur la sexualité, si vous voulez. Donc déjà, il y a Orgasme et moi, super compte d'une... Donc c'est une meuf, elle est sexologue. Et du coup, elle parle de la sexualité et tout, mais sinon, il y a plein d'autres comptes. Et vous ? Ouais, en fait, moi, c'est juste ce que je voulais juste dire pour finir sur les réseaux sociaux. C'est pour moi, de toute façon, c'est pas comme si c'était bien ou mal. C'est juste que pour moi, c'est un reflet de la société, mais genre en mode accessible partout, tout le temps, comme on veut. Et le seul petit truc que je peux reprocher aux réseaux sociaux, c'est que tu restes souvent dans les mêmes boucles de ce que tu connais déjà avec les algorithmes et tout. Voilà. Oui, c'est vrai, mais après, l'algorithme, en même temps, ça te permet quand même de rester dans, bah, dans ce que t'aimes, tout simplement. Oui, bah oui, forcément. Mais oui, c'est sûr que si tu t'intéresses pas à d'autres choses, etc., bah, tu restes vite dans la même boucle de choses, etc. Et puis ça peut aussi t'emmener dans des cercles un peu vicieux, si tu t'intéresses à des trucs un peu glauques, etc. Tu peux tomber sur des comptes, par exemple, si je prends l'exemple de TikTok, des comptes... qui parle de suicide et d'automutilation, ouais. Et c'est pas la façon la plus simple de sortir de cette boucle. Vaut mieux essayer de voir d'autres choses, de voir des professionnels, etc., plutôt que de s'enfermer dans sa bulle, parce que malheureusement, bah, ok, tu vois d'autres gens pareils que toi, mais ça te renforce dans ta merde, et du coup, bah, t'as moins de chance, enfin, moins de facilité de t'en sortir au fur et à mesure, quoi. Voilà, très bien. On va okay. conclure, du coup. Ouais. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour Co-Exprime, une émission entre jeunes de différentes convictions. Au revoir. Salut.